Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Ces gosses, ces pauvres gosses, indésirables » avec un point d'interrogation. Le rapatriement sur le sol français d'enfants orphelins nés de parents qui se sont compromis avec l'État islamique et qui ont péri dans cette guerre meurtrière suscitée par un fanatisme prétendument religieux a fait polémique. Et les médias n'ont pas manqué de décrire la position de Macron comme relevant d'un humanisme bienveillant. De quoi écœurer les défenseurs des droits de l'homme ? Car le dit Macron se réserve le droit de traiter au cas par cas le sort de quelques dizaines d'enfants dont les parents étaient français. De surcroît, j'ai découvert qu'à BFM TV, on ne manquait pas d'accorder longuement la parole à un responsable RN qui critiquait la décision du chef de l'État en soulignant qu'il faudrait une surveillance renforcée pour ces graines potentielles de terroristes. Hein, comme si des gosses qui n'ont même pas 5 ans pouvaient être des terroristes. J'étais éberlué d'entendre de tels propos dans un pays qui a signé des traités concernant les réfugiés apatrides et souscrit à la Convention internationale des droits de l'enfant. Comme si ces pauvres gosses, la plupart orphelins, étaient responsables des crimes supposés de leurs parents, parents qui se sont laissés entraîner dans une guerre alimentée tout autant par le fanatisme que par l'argent du pétrole et du trafic d'œuvres d'art, avec l'appui bienveillant de dirigeants arabes ou même ottomans. Également, au départ, l'indifférence des pays occidentaux envers le dictateur syrien, qui a davantage massacré et torturé que l'État islamique, si on doit comptabiliser l'horreur et l'inacceptable. N'oublions pas non plus les tractations souterraines qui ont dû aboutir à préserver les intérêts du groupe Lafarge, en ménageant celui-ci face à l'État islamique, avec la complicité, semble-t-il, des services secrets français. Mais à cette époque, n'a-t-on pas murmuré, très fort murmuré, qu'Erdogan soutenait le trafic de l'État islamique en laissant traverser la Turquie par les camions pétroliers et ceux transportant des œuvres d'art provenant du pillage orchestré par Daesh. Pas de quoi pavoiser sur le rôle de certains États dans cet horrible gâchis qui a été celui initié par le terrorisme de l'État islamique. Que l'on puisse aujourd'hui discuter de la légitimité d'enfants français par leur naissance à retrouver une vie normale, être soignés, avec rompre avec le danger mortel, possibilité d'être adopté par leurs grands-parents, est parfaitement écœurant. Et j'ai honte d'être français et surtout honte de certains médias français qui ont consacré leur grand titre à un événement qui n'en méritait pas tant. Puisqu'on le veuille ou non, au-delà du geste humanitaire concernant 5 enfants en danger, la France doit assumer ses engagements. Il y va du respect de ses signatures de traités et des traditions d'accueil d'une France aujourd'hui sous la coupe des discours du RN et autres groupes d'extrême droite. Mais la façon de présenter les choses n'est-elle pas de la simple propagande pour le pouvoir en place ? Et nous inviter à voter pour le moins pire aux élections européennes. Car enfin, ne nous voilons pas la face, le scénario est bien huilé, obliger les citoyens à faire le choix entre le pouvoir en place, libéral et antisocial par certains côtés, et l'extrême droite, dédiabolisée avec une étiquette de populisme, qui sied mal à ses positions plutôt néofascistes et anti-européennes. Cette opposition droite, extrême droite, est la seule qui semble digne d'être développée par des médias de plus en plus proches de la majorité actuelle. Le principal pour Macron étant de gagner du temps pour parachever ses réformes et pour cela faire un score honorable aux élections européennes. Il est vrai qu'en face, la gauche part très divisée entre les tenants du libéralisme économique international, peu compatible avec la défense de l'environnement et peu susceptibles de s'attaquer aux injustices sociales. Et ceux, partisans d'un véritable changement de régime, qui pourrait satisfaire une majorité du peuple en rétablissant l'état de droit, l'accès égalitaire aux soins et aux services publics. Et également lutter contre les pesticides et promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement. Et surtout, surtout, une véritable transition écologique par un véritable développement des énergies renouvelables. Le recyclage des produits et la fin des gâchis, y compris énergétiques, qui caractérisent nos civilisations. Bien souvent, il faut le dire, au détriment des pays dits en voie de développement, alors qu'il s'agit en fait d'États sous tutelle économique des grandes puissances, plus soucieuses de piller les richesses de ces pays qu'à leur développement basé sur le respect de l'environnement, seul susceptible de préserver la planète. La mondialisation de l'économie planétaire, telle qu'elle a été conçue par les multinationales, les grandes puissances censées les servir, est une impasse et prétend lutter contre le réchauffement climatique dans cette situation où des monopoles tendent à servir les peuples, est vain, car l'intérêt général des populations s'oppose bien souvent aux intérêts particuliers qui dominent nos sociétés, coulés dans un moule de plus en plus ultralibéral, où il reste peu de place à l'humain. Encore faut-il le souligner. Eh bien voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.